de liberté, de recherche fatigable, de dessin illimité, mal limité en soi, impossible sa totalité, de la totalité alors qu'elle n'y affecte pas, de la totalité dans ses limites, de séparation et d'unité, du progrès et du développement, du chemin de la bonne chance, de recherche, d'équilibre, de respect, de la liberté de jugement, de la liberté de penser, de la liberté de liberté, de la liberté quand celle de autre se respecte, de géopolitique, d'économie, de finance, de recherche infatigable, de design limité, mal limité en soi, mais parler entre dieux, impossible sa totalité, de la totalité alors qu'elle n'y affecte pas, de la totalité dans ses limites, de recherche, d'équilibre, de respect, de la liberté de liberté, de la liberté quand celle de autre, et respecter les cavaliers.